Je veux pas finir écrit, je te cède le succès. J'ai maigri mais j'écris les 16 de succès. Je prétends pas que ça va péter, je défends mon 7 sur 7. Tu pourras pas m'arrêter, je serai présent 7 sur 7. J'attends mon tour. Je suis comme ce petit posté dans le hall, va la mettre dans le que ça. J'ai ensuite plus en bas des tours. Que je finisse dans la merde, certains n'attendent que ça. Mais j'ai des phases aussi, sauf pas possible. À qui tu m'associes, j'aime pas faire ce jeu frère. Pas de rap docile, j'emmerde Sarkozy. Je te fais de la trappe comme si j'en avais toujours fait. Non j'ai pas de soucis. Pour la projet ce qu'il faut, par la projet mirfieux. Man approche j'ai mille flots, à l'approche j'ai mille feux. Ouais j'ai le mojo, j'te viscère. Les dents aiguisées à quitter le business méga tard. Loin des projets en misère. Avant de finir au dojo, j'ai révisé mes katas. C'est rata, les petits détours plaisantes par la SP. Ici, bah, pas de respect, c'est trop sale. Un petit détour en passant par un SP. On reste vrai, wesh, gros sac. Tous en déficit sans cash. Explicite langage. On a grandi dans le vice, personne ici s'en cache. C'est à rester vrai que nos récits s'engagent. Vous pouvez mettre nos frères, mais pas nos lyrics en cage. Vous pouvez mettre nos frères, mais pas nos lyrics en cage. Tous en déficit sans cash. Explicite langage. On a grandi dans le vice, personne ici s'en cache. C'est à rester vrai que nos récits s'engagent. Vous pouvez mettre nos frères mais pas nos lyrics en cage. Vous pouvez mettre nos frères mais pas nos lyrics en cage. À cause de bavures, des gosses sont dans les cieux. On retranscrit avec des mots sombres. Quand je vois des vidéos de keufs qui se font mêler dans mes yeux, y'a aucune émotion. Poto m'a conduit, je la rachète. Sans passer par le pouvoir d'achat. Je vais voir Walter, je me barra. Shell, tu me verras pas poser dans un bar à chat. Nick Jerem Star, la Soscra. Sa vie du RS a pas de feu tard. Tu veux du son terrible et qui te casse le crâne. Ta PIMS à l'absocra. Fais pas le dur ici, on n'est pas des hippies. On respire pas l'air pur de la Bretagne. C'est comme la Bibi, le taf est millimétré. Y'a pas que des illettrés qui taffent la peutra. C'est la Zermi depuis l'époque de tout en camon. Ça attend du nouveau, ouais, mais c'est tout le temps la même. Bon, mais gros sac, c'est les mêmes qui demandent tout le temps pardon. On est des grands garçons depuis, y'aura pas de retour en arrière. Plus en plus de familles grandissent sans daron. Bah ouais mon ami, je vois bien qu'on est tous dans la merde. La vie c'est un film d'horreur, je te fais la bande annonce. C'est plus vénard, sous dans le ballon, les moins vénard, sous dans la veste. Tous en déficit sans cash. Explicite langage. On a grandi dans le vice, personne ici s'en cache. C'est à rester vrai que nos récits s'engagent. Vous pouvez mettre nos frères mais pas nos lyrics en cage. Vous pouvez mettre nos frères mais pas nos lyrics en cage. Tous en déficit sans cash. Explicite langage. On a grandi dans le vice, personne ici s'en cache. C'est à rester vrai que nos récits s'engagent. Vous pouvez mettre nos frères mais pas nos lyrics en cage. Vous pouvez mettre nos frères mais pas nos lyrics en cage.